on fouille, on découvre, on partage, on pop pop pop le grenier pop. Un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. On pop pop pop. Allô allô, bienvenue dans le grenier pop sur les ondes du 101.5 FM CIBL et bien sûr l'émission est aussi disponible sur le site de la station au www.cibl1015.com ou encore bien sûr sur vos plateformes de balado préférées. Je m'appelle Frédéric Lavoie, animateur du Grenier Pop et cette semaine, emporté par la brise musicale d'un orchestre savant, j'ai envie qu'on débute l'émission en douceur en parlant des films d'animation du studio Ghibli, où chaque note semble raconter une histoire autant que les images. Récemment, à l'île Pérou, là où j'habite, l'orchestre savant du Suroît a présenté un concert en plein air dans un parc. Et ce qu'on vient d'entendre est un court extrait de leur spectacle. Et pour mon plus grand bonheur, le spectacle mettait à l'honneur les musiques iconiques des films du studio Ghibli. Ce qu'on a entendu, c'est la musique du film Princesse Mononoke. On a entendu la pièce Ashitaka Toussaint. Puis, durant l'heure que durait le spectacle, on est passé, je vous dirais, des airs enchanteurs de mon voisin Totoro aux envolées magiques du voyage de Chihiro. Le spectacle plein air était un véritable hommage à l'univers onirique et poétique de Hayao Miyazaki et de son équipe des studios Ghibli. Puis ça m'a donné envie de plonger avec vous dans ce monde où les chats volent, les esprits attendent le train et où la nature n'a jamais cessé de nous parler. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, que sont donc ces films d'animation du fameux studio Ghibli? Eh bien, si on se fait une petite histoire, le studio Ghibli, c'est un studio d'animation japonais fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, qui, au fil du temps, a su conquérir le cœur du public du monde entier avec ses fameux films d'animation. En tout cas, moi, ils m'ont déjà eu. Leurs films, ils mélangent magie, poésie et des récits profonds où la nature, les émotions humaines et l'imaginaire se rencontrent. Et je vous dirais que ce ne sont pas de simples dessins animés seulement pour les enfants, car ces films sont, à mon avis, des véritables petites œuvres d'art. Souvent, il y a certains films qui ont des messages forts, avec des héroïnes ou des héros complexes, des univers fantastiques, mais aussi, parfois, ils nous arrivent avec des thèmes universels qu'on connaît déjà, comme le respect de la nature, le courage ou encore la recherche de soi. Mais bon, ils essaient de porter ce message-là encore un petit peu plus loin dans leur film. Puis aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'un de ces films. En gros, mon idée, c'est de vous donner le goût d'aller en écouter. On va donc parler du film Princesse Mononoke. Ça, c'est un des films clés qui a marqué un tournant dans l'animation japonaise et dans la carrière de Miyazaki. Ashitaka! Ne me touche pas, cette plaie n'est pas ordinaire. Découvre donc ton bras. Es-tu prêt à entendre le destin qui t'attend? Oui. Pourquoi coupe-t-il les arbres? Mon bras me brûle! Je suis venu ici pour demander à l'esprit de la forêt de me délivrer de la malédiction de Nago. Les hommes sont beaucoup plus dangereux que les dieux de la forêt. Princesse des esprits de la nature, des bêtes et des anciens dieux. Sauvageonne, élevée par des loups et qui a juré ma mort. Les loups! Les loups! venu tuer les humains pour sauver la forêt. Cette guerre a trop duré. Vous pourriez vivre en paix avec les humains. Tu es si jolie. Sorti en 1997, Princesse Mononoke a été le film d'animation le plus cher jamais produit au Japon. D'après ce que je suis en train de lire, il y avait un budget d'environ 2,4 milliards de yens. Dans nos beaux dollars, ça donne 32 millions, quand même. Puis ça, c'était à l'époque un investissement qui était énorme, mais qui a largement été rentabilisé, le film ayant rapporté ensuite combien? 200 millions au box-office. Donc ça, c'est devenu, à ce moment-là, le film le plus rentable de l'histoire du Japon. Et quelques temps après, quelques années, Le Voyage de Chihiro, un autre film du studio, eh bien, est venu détrôner Princesse Mononoke en faisant encore mieux. Bon, Princesse Mononoke, ça raconte quoi? Bon, vous l'avez entendu un petit peu dans la bande-annonce, Princesse Mononoke suit l'histoire d'Ashitaka, un jeune prince d'un village lointain frappé par une malédiction mystérieuse. Pour sauver sa vie, il doit quitter son foyer et partir à la recherche d'un remède. Au cours de son voyage, Ashitaka, il se retrouve au cœur d'un conflit ancestral qui oppose les humains qui exploitent la forêt pour leur industrie d'essence aux esprits animaux et divinités protecteurs de la nature. Puis durant son voyage, il va bien sûr rencontrer Princesse Mononoke, une jeune femme farouche, défenseuse de la forêt et de ses esprits contre la destruction causée par les humains. Et pour la suite, eh bien, je vous dirais qu'il faut l'écouter, car moi, je vous en dis pas plus. Visuellement, Princesse Mononoke, c'est un méchant bon film, si on peut dire ça. Il y a tout ce que vous voulez. Bon, il y a des scènes épiques, des beaux paysages luxuriants et surtout des créatures fantastiques qui semblent sortir tout droit de Donjons et Dragons. Et bon, cela étant dit, si jamais l'envie vous prend de jeter un coup d'œil à l'un de ces films du studio Ghibli, qui en passant s'écrit G-H-I-B-L-I, si vous cherchez, eh bien, ils sont disponibles, d'après ce que j'ai grappillé sur Internet, sur Netflix. Sinon, moi, je les écoute tout simplement sur le site anime-sama.fr. C'est un site qui propose gratuitement des centaines de séries d'animation et de films, dont ceux du studio Ghibli, en échange évidemment de quelques pubs avant de débuter. De mon côté, j'en suis à, je vous dirais, à environ 7 ou 8 films d'écouter de ce studio sur les 25 longs métrages, si on compte tout ce qu'ils ont produit. Puis pour moi, chaque film a été une belle découverte. Si vous voulez vous lancer, je vous en nomme trois que j'ai adorés. Princesse Mononoke, Nausicaa de la Vallée du Vent ou Le Château dans le Ciel. Donc c'est l'été, c'est le temps des vacances, c'est le temps de se préparer un gros popcorn plein de beurre et de vous plonger ou replonger, pour ceux qui connaissent déjà ça, dans cet univers magique plein de poésie et de rêves. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi là, sur le site du Grenier Pop vos coups de cœur ou vos souvenirs de ces films. Parce qu'ici, au Grenier Pop, on adore explorer ensemble ces trésors du passé et de la culture pop. Puis parlant d'exploration, au retour d'une petite pause musicale, on part ensemble en voyage dans l'univers de la bande dessinée. Moi, je suis un fan fini de bande dessinée, j'en possède près de 3000 à la maison. Et au retour, je vous parlerai des incontournables. Quelles sont les séries de bande dessinée qu'il vaut vraiment la peine d'avoir à la maison ou d'emprunter à la bibliothèque? Sur ce, sur les ondes hertziennes du 101.5 FM, on part en musique justement avec l'un de nos grands héros de bande dessinée, Bob Moran, grâce au groupe Indochine et leur chanson « L'Aventurier ».